Vous vivez, vous allez vers un ailleurs, vers un après. Vous marchez, vous courez vers votre but, vers votre mort. Vous avez bien quelques désirs, vous accordez certains plaisirs. Il vous arrive parfois de rire. Êtes-vous contente de votre sort? Vous attendez, vous espérez quelque chose, enfin quelqu'un. Vous pleurez, vous sanglotez. Dans votre vie, il n'y a rien. L'extraordinaire, le romantique, le tourbillon d'histoire tragique. Vous en rêvez, mais vous haïssez l'implacable. Il y a longtemps, peut-être 1000 ans, vous étiez jeune, peut-être belle. Il y a longtemps, peut-être 1000 ans, vous étiez jeune, sûrement cruelle.